Second Timothée chapitre 4. Je te conjure donc devant Dieu, et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, en son apparition et en son règne. Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions, reprends, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, et avec doctrine. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront aux fables. Mais toi, veille en toutes choses, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton ministère pleinement approuvé. Car pour moi, je m'en vais maintenant être mis pour l'aspersion du sacrifice, et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, juste juge, me la rendra en cette journée-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. À toi de venir bientôt vers moi. Car Dema m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. J'ai aussi envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte avec toi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpu, et les livres aussi, mais principalement mes parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de maux, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi donc de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné, toutefois que cela ne leur soit point imputé. Mais le Seigneur m'a assisté, et fortifié, afin que ma prédication fût rendue pleinement approuvée, et que tous les gens t'y louissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur aussi me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, et la famille d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophine malade à Milet. À toi de venir avant l'hiver. Eubulu, Épudent, Elinu, et Claudia, et tous les frères, te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Grâce soit avec vous. Amen.